J'ai dû me rastable. Bah oui. Remets-toi demain. Vas-y, dis-le, rastable. Rastable. Tournez. Yesh. Yesh. Ah. Le binôme. Si, non. Le réveil sonne, il est 8h20. Je me nique de joint, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non. Merci de rien, je remets tout à plus tard. Je suis bien dans mon plumard, constamment dans mes délires comme Harold et Kumar. J'voudrais claquer des doigts, mais je suis pas Joséphine l'ange gardien. J'utilise des mots froids parce que la modestie ne changera rien. J'vais trouver un travail et remplir des papiers, puis arrêter de cramer de la maille dans la 8 de quartier. Yeah. Je dis ça va, je dirais pas j'aime pas. Tu veux un coup de main, attends, je dois consulter mon agenda. Si longtemps c'est de l'argent, j'en ai gaspillé trop. À force de parler dessus, ils m'ont scarifié le dos. Tu peux pas qualifier le mot. Je suis un flemmard de luxe, je bédaffe, me bute avant que le chétan me fume. J'ai pas peur de l'admettre. Je remets toi plus tard, là c'est l'heure de la sieste. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je vais bouger avec un tas de projets pour le lendemain. Mais quand je me lève, ben je vois que ça change rien. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je vais bouger avec un tas de projets pour le lendemain. Mais quand je me lève, ben je vois que ça change rien. Si j'ai du mal à faire confiance aux potes, c'est pas ce qui manque. Je remets toi demain, mais l'ambition, c'est pas ce qui manque. Les gens proches partent trop tôt. Trop d'hypocrites, détestent ça, détectent ça. Les gens bougent pas, poteau. Là, je plaisante pas, à présent, je trace. Trop de regrets, mais j'oublie tout avec du trésor d'âge. Je peux pas fuir mes erreurs, ouais, mon passé à l'arme à gauche. Je veux rendre fier les miens avant de passer l'arme à gauche. Fierté, impossible que je marche sans sable. Beaucoup de dealers de paille, je commence à croire aux marchands de sable. Je suis posé avec ma femme, faut pas que les problèmes tapent à la porte. Lâche le rap si tape à la cote, là, c'est stable à la prod. Je rappe pas pour les moins de 16, m'écoute pas si tape à la corde. Dans le coffre, suicide-toi, je t'aide si t'as pas la corde. J'quoique le plumard, je remets toi plus tard. J'avance seul, je fais ma route, rien à foutre si les putes partent. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je vais coucher avec un tas de projets pour le lendemain. Mais quand je me lève, bah, je vois que ça change rien. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je remets toi plus tard, ouais, je remets toi plus tard. Je vais coucher avec un tas de projets pour le lendemain. Mais quand je me lève, bah, je vois que ça change rien.